Lettre 86e, Calpurnie à Lucius, Nicomédie, septembre 303. Que doit-il m'arriver encore? À quelle nouvelle peine suis-je encore destiné? Elle s'accumule sur mon cœur et me ne laisse plus un instant de repos. Sulpice est morte. Sa malheureuse existence a cessé et sa trop vive sensibilité a consumé sa vie. Depuis longtemps, je prévoyais ce malheur. Et je n'en ai pas été surprise, mais bien douloureusement affectée. Tu sais combien je l'aimais, et les peines que je me suis données pour garantir son cœur d'une impression dont je craignais les funestes effets. Tiridate m'a apporté lui-même cette triste nouvelle. Il n'a pu supporter sans elle le séjour de son palais. On a cru qu'un voyage apporterait quelque distraction à sa douleur. Et pour moi-même, je suis bien aise qu'il ait pris ce parti. J'apprends de lui 1000 détails sur les derniers temps de ma pauvre amie, que j'ignorerais sans cela, et le soin de le consoler, de le distraire, me fait du bien à moi-même. En vérité, je crois que j'en ai plus besoin que lui. Mon attachement pour celle que nous pleurons ensemble était au moins aussi vif que le sien et d'une meilleure trempe. Jamais il n'a souffert la moindre altération. Elle laisse un vide immense dans mon cœur. J'aime Tiridate pour l'amour d'elle, parce qu'elle l'a aimé et parce qu'il est malheureux. Mais ce n'est pas cette liaison, cette confiance intime qui, depuis 19 ans, liait mon cœur à celui de Sulpice. Je la pleure et la regrette plus que je ne puis te le dire. Cette mort est venue troubler de nouveau ma tranquillité, qui, grâce à mes efforts, commençait à revenir. Agathoclès est marié. Toutes les sensations agréables ou pénibles qu'il m'avait fait éprouver devaient cesser. De ce côté-là, mon cœur devait se taire. La raison l'exigeait. Le sentiment trop vif qu'il m'avait inspiré devait faire place à une amitié paisible, et chaque souvenir du bonheur que j'avais perdu était autant de coups de poignard qui perçaient mon cœur et qu'il fallait absolument écarter. Ma philosophie, ma fierté ou ma légèreté, comme tu voudras l'appeler, n'importe le nom, si les faits elles-mêmes, m'avaient fait parvenir au but auquel je visais. La pensée que je l'avais perdu sans retour, de sa propre volonté, parce qu'il a cru qu'une autre femme le rendrait plus heureux que moi, et que peut-être a-t-il eu raison de le croire, cette pensée, dis-je, m'a délivré tout à coup de mes regrets. J'ai joui de n'avoir plus cette inquiétude déchirante, cette incertitude qui tourmentait ma vie. L'énigme est devinée, le mot est Théophanie, il n'a jamais aimé qu'elle. Et au moment où elle a reparu à ses yeux, toute autre image, toute autre sensation s'est dissipée comme la vapeur légère du matin disparaît aux rayons du soleil. C'est ainsi que peu à peu j'ai fait disparaître aussi de mon cœur le sentiment douloureux qui le remplissait. Je me suis comparé à Théophanie sans l'ombre de partialité, et j'ai trouvé que l'homme qui était heureux avec elle ne l'aurait jamais été avec moi, et que moi-même je n'aurais pas été longtemps heureuse avec un caractère si différent du mien. J'avais donc réussi à dompter l'irritation que ce mariage avait excitée dans mon cœur. Je jouissais d'un calme bienfaisant, et je m'amusais à broder un voile pour Théophanie, qui depuis ma visite à Saint-Yom m'avait comblé d'envois de fleurs et de fruits, lorsque tout à coup un grand bruit se fait entendre dans le vestibule qui conduit à ma chambre. La draperie de ma porte s'ouvre. Je vois entrer un homme paré de tout le luxe oriental, suivi d'une foule d'esclaves richement vêtus qui s'arrêtèrent dans l'antichambre. Je me levai aussitôt. À peine eus-je reconnu le roi d'Arménie qu'il courut à moi en s'écriant « Elle est morte, Calpurnie, ton amie n'existe plus !» Et je me trouvai dans les bras de Tiridate, et mouillé de ses larmes. « Elle est morte » répéta-t-il avec un accent déchirant. Il me quitte, se jette sur un lit de repos, cache sa tête dans les coussins et pousse des sanglots de désespoir. Je compris alors les motifs de sa visite. Sulpice avait cessé de vivre, et son malheureux époux fuyait les lieux qui lui retraçaient son image. Mon cœur se sentit anéanti comme si je n'avais jamais prévu ce cruel événement. La présence de Tiridate, le souvenir des jours où j'avais vu celui-ci qui était plongé dans la douleur, entouré d'une multitude de jouissances, oubliant au sein de la volupté celle dont il était si passionnément aimé et qu'il pleurait maintenant avec tant d'amertume. La certitude de ne plus revoir ma Sulpice, tout oppressa mon cœur au-delà de mes forces. Un torrent de larmes vint enfin me soulager. Lorsqu'il m'entendit pleurer, il se releva, et s'approchant du siège où je m'étais assise, il s'y plaça près de moi. « Pleurons ensemble, » me dit-il, avec une expression de sentiment irrésistible. « Elle nous aimait si tendrement. » Alors seulement je le regardai avec surprise. L'expression de sa douleur donnait à sa noble figure quelque chose de si doux, de si sensible, que dans ce moment je compris la passion sans borne de mon ami. Ce feu si ardent qui brillait ordinairement dans ses yeux était tempéré par un voile de larmes qui adoucissait son regard. Les vives couleurs de son teint avaient pâli. Sa voix, brisée par les sanglots, était beaucoup plus touchante. Représente-toi, si tu le peux, toute cette douleur qui n'avait rien d'affecté, ce deuil du cœur, avec un costume oriental des plus magnifiques. Des diamants éblouissants ornaient sa ceinture et sa poitrine. Son turban d'une blancheur éclatante, rehaussé par des pierreries de toute beauté. Sa robe pourpre se dessinant sur une veste blanche. Tout ce costume, si propre à faire ressortir la noblesse de sa figure, et formant un contraste si frappant avec son affliction, me faisait douter si je ne faisais pas un songe. Je restais comme pétrifié, les yeux attachés sur lui. Il prit ma main. « Ah, Calpurnie, me dit-il. Une fois déjà, j'entrais chez toi inopinément à Rome, lorsque je vins arracher ma Sulpicie à ces tyrans et assurer mon bonheur. Et à présent, Dieu, que me reste-t-il de ce bonheur pour jamais anéanti ?»« Des souvenirs et l'amitié de Calpurnie, lui dis-je en tâchant de me remettre. Il pressa ma main sur ses lèvres et commença à parler de celle que nous venions de perdre. Son chagrin avait retrouvé des paroles. Il ne pouvait se lasser de raconter les progrès de la maladie, les dernières paroles, les derniers moments de Sulpicie. Sans cesse, me disait-il, nos deux noms s'échappaient de ses lèvres mourantes. « Ah, Tiridate, ah, Calpurnie !» murmura-t-elle encore quelques instants avant d'expirer. « Adieu, adieu pour jamais, vous que j'ai tant aimé !» Pendant ce touchant récit, mes larmes coulaient sans discontinuer, mais les siennes avaient cessé, et je vis avec plaisir que cet épanchement soulageait son cœur. Depuis lors, il passe chez nous tous les moments que son séjour à la cour, où Dioclétien l'a reçu avec toute la distinction possible, lui laisse libre. Nous fûmes hier avec mon père à Saint-Iom. La présence de son ami, qu'il n'avait pas revu depuis son départ, a renouvelé sa douleur, et le bonheur d'Agathoclès et de Théophanie, qui est en chemin d'être mère, a vivement retracé à son esprit tout ce qu'il avait perdu, une épouse chérie, et avec elle l'espoir d'un héritier de sa couronne. Le plaisir de voir son cher Agathoclès heureux et une conversation intéressante parvinrent à le calmer. Depuis lors, je trouve que sa gaieté naturelle prend le dessus et que sa douleur se dissipe. Je sais bien que des têtes exaltées le taxeront d'une légèreté impardonnable, mais n'est-ce pas ainsi que doit être tout homme raisonnable? Il n'y a que des fanatiques qui puissent conserver obstinément une douleur éternelle pour un mal sans remède. Ils trouvent une espèce de gloire ou de volupté à être bien malheureux, ou du moins à le paraître. Tiridate a donné à sa femme pendant sa vie, et surtout dans sa maladie, des preuves incontestables d'attachement. Il ne l'a pas quittée un instant. Elle mourut dans ses bras, il a reçu son dernier soupir, et il en coûta bien des peines à ceux qui l'entouraient et qui l'ont suivi jusqu'ici pour l'arracher des bras de sa Sulpicie après qu'elle eût cessé de vivre et pour l'engager à soigner sa propre vie. N'est-ce pas tout ce que la sensibilité, l'amour et l'ombre de Sulpicie peuvent exiger? Le souvenir de sa passion pour elle et du temps qu'il a vécu avec elle ne s'effacera jamais de son cœur, mais son empire et ses relations avec les cours de Nicomédie et de Perse demandent impérieusement qu'il ne s'abandonne pas à son chagrin et qu'il fasse tous ses efforts pour le surmonter. Son peuple doit désirer qu'un second Hyménée lui donne un successeur au trône qui puisse assurer la tranquillité de l'empire. Il ne doit pas agir comme un particulier. La balance avec laquelle on pèse les actions des hommes ne peut pas être la même pour un souverain, qui n'existe pas pour lui seul, mais pour son peuple, et qui dispose du bonheur de millions d'êtres, que pour un individu qui n'a nulle influence, et peut agir comme il lui plaît. Les amis du roi d'Arménie ne doivent-ils donc pas se réjouir de voir que son cœur reprend de lui-même sa douce tranquillité, et que ce qui lui prescrit son devoir ne sera pas un trop grand sacrifice. Depuis que Tiridate est ici, Nicomédie est redevenu un séjour animé et brillant. Auguste lui donne des fêtes splendides. Plusieurs princes voisins arrivent de tous côtés pour y assister. Ils y amènent leurs filles, leurs sœurs, leurs nièces, dont la plupart sont très belles, et il est facile de deviner leurs motifs. Un époux comme Tiridate serait à désirer, ne fût-il qu'un simple particulier. Mais lorsqu'avec une figure aussi remarquable, on peut encore offrir un trône et toutes les qualités brillantes du roi d'Arménie, il mérite bien les peines que toutes ces beautés se donnent pour obtenir la préférence. Jusqu'à présent, Tiridate n'en distingue aucune, mais il ne cache point que la présence de mon père et la mienne augmente à ses yeux le prix des fêtes qu'on lui donne. Avec nous, il est plus à son aise, et se dédommage de la gêne et de l'étiquette à laquelle il est soumis. Je mène donc une vie assez dissipée. L'empereur ordonne, et mon père exige que je sois à toutes les fêtes de la cour. Il y a plusieurs jours que cette lettre est commencée sans que j'aie eu le temps de l'achever. Tu t'apercevras facilement de la différence de mon humeur, au commencement ou à la fin de mon épître. Cependant, je pleure encore souvent ma Sulpicie, mais je crois plus honorer sa mémoire en m'occupant de celui qu'elle a tant aimé qu'en m'abandonnant à des regrets inutiles, puisque rien ne peut nous la rendre. Adieu, mon cher Lucius.